ma maman. Oh, les choses s'animent maintenant devant toi. Tu n'as plus d'avantage. Reste avec moi pour la nuit. Fais attention à la case. Seigneur, bloqué par la foule qui en sait et puis n'est pas.